Règle huitième. Si dans la série des questions, il s'en présente une que notre esprit ne peut comprendre parfaitement, il faut s'arrêter là, ne pas examiner ce qui suit, mais s'épargner un travail superflu. Les trois règles précédentes tracent l'ordre et l'expliquent. Celles-ci montrent quand il est nécessaire, quand seulement il est utile. Car ce qui constitue un degré entier dans l'échelle qui conduit du relatif à l'absolu et réciproquement doit être examiné avant de passer outre. Il y a là nécessité. Mais si, ce qui arrive souvent, beaucoup de choses se rapportent au même degré, il est toujours utile de les parcourir par ordre. Cependant, l'observation du principe n'est pas ici si rigoureuse, et souvent sans connaître à fond toutes ces choses, seulement un petit nombre, ou même une seule d'elles, on pourra passer outre. Cette règle suit nécessairement des raisons qui appuient la seconde. Cependant, il ne faut pas croire qu'elle ne contienne rien de nouveau pour faire avancer la science, quoiqu'elle paraisse seulement nous détourner de l'étude de certaines choses, ni qu'elle n'expose aucune vérité, parce qu'elle paraît n'apprendre aux étudiants qu'à ne pas perdre leur temps, par le même motif à peu près que la seconde. Mais ceux qui connaissent parfaitement les sept règles précédentes peuvent apprendre dans celles-ci comment en chaque science il leur est possible d'arriver au point de n'avoir plus rien à désirer. Celui en effet qui, dans la solution d'une difficulté, aura suivi exactement les premières règles, averti par celles-ci de s'arrêter quelque part, connaîtra qu'il n'est aucun moyen pour lui d'arriver à ce qu'il cherche. Et cela non par la faute de son esprit, mais à cause de la nature de la difficulté ou de la condition humaine. Or, cette connaissance n'est pas une moindre science que celle qui nous éclaire sur la nature même des choses. Et certes, ce ne serait pas faire preuve d'un bon esprit que de pousser au-delà sa curiosité. Éclaircissons tout ceci par un ou deux exemples. Si un homme qui ne connaît que les mathématiques cherche la ligne appelée en dioptrique anaclastique, dans laquelle les rayons parallèles se réfractent, de manière qu'après la réfraction ils se coupent tous en un point, il s'apercevra facilement, d'après la cinquième et sixième règle, que la détermination de cette ligne dépend du rapport des angles de réfraction aux angles d'incidence. Mais comme il ne pourra faire cette recherche, qui n'est pas du ressort des mathématiques, mais de la physique, il devra s'arrêter là où il ne lui servirait de rien de demander la solution de cette difficulté au philosophe et à l'expérience. Il pécherait contre la règle troisième. En outre, la proposition est composée et relative. Or, ce n'est que dans les choses simples et absolues qu'on peut s'en fier à l'expérience, ce que nous démontrerons en son lieu. En vain encore supposera-t-il entre ces divers angles un rapport qu'il soupçonnera être le véritable. Ce ne sera pas là chercher l'anaclastique, mais seulement une ligne qui puisse se rendre compte de sa supposition. Mais si un homme, sachant autre chose que des mathématiques, désireux de connaître d'après la première règle, la vérité sur tout ce qui présente à lui, vient à rencontrer la même difficulté, il ira plus loin. Il trouvera que le rapport entre les angles d'incidence et les angles de réfraction dépend de leur changement, à cause de la variété des milieux. Que ce changement, à son tour, dépend du milieu, parce que les rayons pénètrent dans la totalité du corps diaphane. Il verra que cette propriété de pénétrer ainsi un corps suppose connu la nature de la lumière, qu'enfin, pour connaître la nature de la lumière, il faut savoir ce qu'est en général une puissance naturelle, dernier terme et le plus absolu de toute cette série de questions. Après avoir vu toutes ces propositions clairement, à l'aide de l'intuition, il repassera les mêmes degrés d'après la règle cinquième. Et si au second degré il ne peut connaître du premier coup la nature de la lumière, il énumérera par la règle septième toutes les autres puissances naturelles, afin que de la connaissance d'une d'elles, il puisse au moins déduire par analogie la connaissance de ce qu'il ignore. Cela fait, il cherchera comment le rayon traverse un tout diaphane, et poursuivant ainsi la suite des propositions, il arrivera enfin à l'anaclastique même, que beaucoup de philosophes, il est vrai, ont jusqu'ici cherché en vain, mais qui, selon nous, ne doit offrir aucune difficulté à celui qui saura se servir de notre méthode. Mais donnons l'exemple le plus noble de tous, qu'un homme se propose pour question d'examiner toute la vérité à la connaissance desquelles l'esprit humain peut suffire, question que, selon moi, doivent se faire une fois au moins en leur vie ceux qui veulent sérieusement arriver à la sagesse. Il trouvera, à l'aide des règles que j'ai données, que la première chose à connaître, c'est l'intelligence, puisque c'est d'elle que dépend la connaissance de toutes les autres choses, et non réciproquement. Puis, examinant ce qui suit immédiatement la connaissance de l'intelligence pure, il passera en revue tous les autres moyens de connaître que nous possédons, non compris l'intelligence. Il trouvera qu'il n'y en a que deux, l'imagination et les sens. Il donnera donc tous ses soins à examiner et à distinguer ces trois moyens de connaître, et voyant qu'à proprement parler, la vérité et l'erreur ne peuvent être que dans l'intelligence toute seule, et que les deux autres modes de connaître n'en sont que les occasions. Il évitera avec soin tout ce qui peut l'égarer, et comptera toutes les voies qui sont ouvertes à l'homme pour arriver à la vérité, afin de suivre la bonne. Or, elles ne sont pas tellement nombreuses qu'il ne les trouve facilement toutes après une énumération suffisante. Et ce qui paraîtrait étonnant et incroyable à ceux qui n'en ont pas fait l'expérience, sitôt qu'il aura distingué les connaissances qui remplissent ou ornent la mémoire d'avec celles qui font le vrai savant, distinction qu'il fera aisément, il verra que s'il ignore quelque chose, ce n'est ni faute d'esprit ni de capacité, et qu'il n'est pas une chose dont un autre possède de la connaissance qu'il ne soit capable de connaître comme lui, pourvu qu'il y applique convenablement son attention. Et quoi qu'on puisse souvent lui présenter des questions dont notre règle lui interdise la recherche, comme il verra qu'elle dépasse la portée de l'esprit humain, il ne s'en croira pas pour cela plus ignorant qu'un autre. Mais ce peu qu'il saura, c'est-à-dire que personne ne peut rien savoir sur la question, devra, s'il est sage, satisfaire pleinement sa curiosité. Or, pour ne pas rester dans une incertitude continuelle sur ce que peut notre esprit, et ne pas nous consumer en efforts stériles et malheureux, avant d'aborder la connaissance de chaque chose en particulier, il faut une fois en sa vie s'être demandé quelles sont les connaissances que peut atteindre la raison humaine. Pour y réussir entre deux moyens également faciles, il faut toujours commencer par celui qui est le plus utile. Cette méthode imite celle des professions mécaniques, qui n'ont pas besoin du secours des autres, mais qui donnent elles-mêmes les moyens de construire les instruments qui leur sont nécessaires. Qu'un homme, par exemple, veuille exercer le métier de forgeron. S'il était privé de tous les outils nécessaires, il sera forcé de se servir d'une pierre dure ou d'une masse grossière de fer, au lieu d'enclume, de prendre un caillou pour marteau, de disposer deux morceaux de bois en forme de pince, et de se faire ainsi les instruments qui lui sont indispensables. Cela fait, il ne commencera pas à forger, pour l'usage des autres, des épées et des casques, ni rien de ce qu'on fait avec le fer. Avant tout, il se forgera des marteaux, une enclume, des pinces et tout ce dont il a besoin. De même, ce n'est pas à notre début, avec quelques règles peu éclaircies, qui nous sont données par la constitution même de notre esprit, plutôt qu'elles ne nous sont enseignées par l'art, qu'il faudra de prime abord tenter de concilier les querelles des philosophes et résoudre les problèmes des mathématiciens. Il faudra d'abord nous servir de ces règles pour trouver ce qui nous est le plus nécessaire à l'examen de la vérité, puisqu'il n'y a pas de raison pour que cela soit plus difficile à découvrir qu'aucune des questions qu'on agite en géométrie, en physique ou dans les autres sciences. Or, ici, il n'est aucune question plus importante à résoudre que celle de savoir ce que c'est que la connaissance humaine et jusqu'où elle s'étend. Deux choses que nous réunissons dans une seule et même question, qu'il faut traiter avant tout d'après les règles données plus haut. C'est là une question qu'il faut examiner une fois en sa vie, quand on aime tant soit peu la vérité, parce que cette recherche contient toute la méthode, et comme les vrais instruments de la science. Rien ne me semble plus absurde que de discuter audacieusement sur les mystères de la nature, sur l'influence des astres, sur les secrets de l'avenir, sans avoir une seule fois cherché si l'esprit humain peut atteindre jusque-là. Et il ne doit pas nous sembler difficile et pénible de fixer ainsi les limites de notre esprit, dont nous avons conscience, quand nous ne balançons pas de porter un jugement sur des choses qui sont hors de nous et qui nous sont complètement étrangères. Ce n'est pas non plus un travail immense que de chercher à embrasser par la pensée les objets que renferme ce monde, pour reconnaître comment chacun d'eux peut être saisi par notre esprit. En effet, il n'y a rien de si multiple et de si épars qui ne puisse être renfermé dans de certaines bornes, et ramené sous un certain nombre de chefs, au moyen de l'énumération dont nous avons parlé. Pour en faire l'expérience dans la question posée plus haut, nous diviserons en deux parties tout ce qui s'y rapporte. Elle est relative, en effet, ou à nous, qui sommes capables de connaître, ou aux choses qui peuvent être connues, ces deux points seront traités séparément. Et d'abord, nous remarquerons qu'en nous l'intelligence seule est capable de connaître, mais qu'elle peut être ou empêchée ou aidée par trois autres facultés, c'est à savoir l'imagination, les sens et la mémoire. Il faut donc voir successivement en quoi ces facultés peuvent nous nuire pour l'éviter, ou nous servir pour en profiter. Ce premier point sera complètement traité par une énumération suffisante, ainsi que la règle suivante le fera voir. Il faut ensuite passer aux objets eux-mêmes, et ne les considérer qu'en tant que notre intelligence peut les atteindre. Sous ce rapport, nous les divisons en choses simples, et complexes ou composées. Les simples ne peuvent être que spirituels ou corporels, ou spirituels et corporels tout à la fois. Les composés sont de deux sortes. L'esprit trouve les unes avant qu'il puisse en rien dire de positif. Il fait les autres lui-même, opération qui sera exposée plus au long dans la règle 12e, où l'on montrera que l'erreur ne peut se trouver que dans les choses que l'intelligence a composées. Aussi distinguons-nous même ces dernières en deux espèces, celles qui se déduisent des choses les plus simples qui sont connues par elles-mêmes. Nous leur consacrerons le livre suivant, et celles qui en présupposent d'autres que l'expérience nous apprend être essentiellement composées. Le livre 3e leur sera entièrement consacré. Or, dans tout ce traité, nous tâcherons de suivre avec exactitude et d'aplanir les voies qui peuvent conduire l'homme à la découverte de la vérité, en sorte que l'esprit le plus médiocre, pourvu qu'il soit pénétré profondément de cette méthode, verra que la vérité ne lui est pas plus interdite qu'à tout autre, et que s'il ignore quelque chose, ce n'est faute ni d'esprit ni de capacité. Mais toutes les fois qu'il voudra connaître une chose quelconque, ou il la trouvera tout d'un coup, ou bien il verra que sa connaissance dépend d'une expérience qu'il n'est pas en son pouvoir de faire. Et alors il n'accusera pas son esprit de ce qu'il est forcé de s'arrêter si tôt. Ou enfin, il reconnaîtra que la chose cherchée surpasse les efforts de l'esprit humain. Ainsi, il ne s'en croira pas plus ignorant, parce qu'être arrivé à ce résultat est déjà une science qui en vaut une autre.